Les deux coqs de Hans Christian Andersen. Il y avait une fois deux coqs, l'un dans la basse-cour, l'autre sur le toit. Celui-ci indiquait d'où venait le vent. Tous deux se tenaient raides et étaient pleins d'orgueil. Lequel l'emportait sur l'autre? Je vais te dire mon avis, mais tu pourras garder le tien. La basse-cour était séparée par une palissade d'une autre cour où se trouvait un tas de fumier sur lequel poussait une belle courge. Elle savait bien qu'elle était une plante de couche, mais elle n'en était pas plus fière pour cela. « Il y a là, à côté, se disait-elle, un coq superbe. Celui-là a le droit de porter haut la tête. C'est un autre personnage que ce coq du toit là-haut, qui ne craque même pas en tournant, comme d'autres de son espèce quand ils sont rouillés. C'est un blanc bec. À plus forte raison ne sait-il pas coqueriquer. Il n'a ni poule ni poussin. Il ne pense qu'à lui-même, et tout ce qu'il sait faire, c'est de suer du vert de gris. Mais notre coq de basse-cour, c'est là un gaillard. Quel pas il fait! Ils sont cadencés et pleins de dignité. Et son chant, il est perçant comme le clairon. C'est lui qui, dans la maison, règle l'heure du réveil. Oui, en vérité, s'il venait me manger avec feuilles et tiges, je considérerais cela comme un insigne honneur. Je passerais dans son corps. Ce serait pour moi une fin bien heureuse. Je serais assimilée à une vie élevée et digne d'envie. La nuit suivante, il y eut une tempête épouvantable. Coqs, poules et poussins, bien qu'ils fussent bien abrités, se serraient les uns contre les autres, fort effarés. La palissade entre les deux cours fut jetée bas par le vent. Et du toit, il tomba bien des tuiles. Mais le coq d'en haut résista. Cependant, il fut tordu par la tourmente. Et au matin, il ne pouvait plus se tourner, ce qui était un peu humiliant pour lui, vu son jeune âge. Il n'y avait pas longtemps qu'il avait été fondu, et le jour où il vint au monde, il était déjà aussi grand qu'il devait jamais devenir. Il n'eut donc pas de jeunesse, ce dont il se targuait fort. Les moineaux et hirondelles qui venaient parfois voleter autour de lui, il les méprisait. « Cette marmaille ne fait que piailler, » disait-il. « Les pigeons, » continuait-il, « ont un air plus discret, plus grave, mais au fond, ils ne songent qu'à s'emplir l'estomac. Leur langage est monotone et ennuyeux. Les cigognes, les grues et autres oiseaux de passage, ceux-là, pendant quelque temps, m'ont paru des volatiles à fréquenter. Ils me contaient des histoires sur les pays étrangers si bizarres où il n'y a pas de vrai toit sur les maisons et par conséquent, pas de coq de mon espèce. D'autres fois, ils m'apprenaient les aventures émouvantes qui leur étaient survenues pendant leur traversée du Nil à nos contrées du Nord, les combats qu'ils avaient eus à soutenir contre des oiseaux de proie. Mais l'année suivante, c'était à peu près le même récit. L'année d'après, je me suis aperçu qu'il se répétait. Oh, le monde est composé de gens de peu d'esprit. Quel privilège pour moi de planer ainsi sur la sottise universelle. Ce coq de métal était ce qu'on appelle un blasé, un désabusé. Si la courge avait su cela, elle l'aurait certes trouvé fort intéressant. Avec le matin, le soleil et le beau temps revinrent. Les poussins se précipitèrent dans la cour, les poules suivirent. Puis apparut le coq, fermant la marche, s'avançant d'un air majestueux. « Vous avez entendu le tonnerre, mes enfants, » dit-il. « Il fait plus de bruit que moi, cela je l'avoue. Mais quelle barbare musique! Il n'y a encore rien de tel que mes coquericots pour être harmonieux. » Toute la bande, voyant la palissade par terre, s'élança vers la seconde cour. À la vue de la courge, ce fut un assaut général contre la pauvre cucurbitacée. Les poules la becquetant, la déchiquetant, en enlevaient des morceaux qu'elles jetaient aux poussins qui se bousculaient pour attraper cette délicieuse friandise. Le coq approcha et donna à son tour quelques formidables coups de bec. La courge était au septième ciel. Son rêve était donc accompli. Elle s'anéantissait pour devenir une partie de l'être qu'elle admirait le plus. « Cocorico !» s'écria le coq quand il fut bien repu. « Je suis de bonne humeur aujourd'hui, mes enfants. Aussi vais-je vous apprendre une grande nouvelle. Sachez donc que je suis un coq, comme il y en a peu. Je suis en état de pondre un œuf, et devinez ce qu'il en sortirait. Un basilic, un animal fabuleux, dont les hommes même ne sauraient soutenir le regard. Oui, je suis un coq unique. » Et il battit de l'aile. Son plumage se hérissa, sa crête se gonfla d'orgueil, et il fit entendre trois formidables « Cocorico !» Poules et poussins restaient bec béant, confondus de surprise, et firent d'appartenir à un être si rare. Puis ils reprirent leur pillage avec plus d'ardeur qu'auparavant. Le coq du toit avait tout entendu. « Niaiserie que tout cela !» dit-il. « Ce coq, ce gringalet, comment saurait-il pondre un œuf? Moi-même, je n'en suis pas capable. Vanité comme le reste !» À ce moment, passa à l'improviste un fort coup de vent, retour soudain de l'orage. Et il abattit le coq du toit qui avait si bien tenu tête à la tourmente. « C'est fort bien !» dit-il en tombant. « Je m'en vais écraser ce rival, qui m'ennuie plus que les autres. » Mais le coq de basse-cour fit un bond de côté, et celui du toit se brisa en morceaux sur le pavé. Le survivant alla tranquillement digérer son festin de courge. Que dit la morale? Il vaut encore mieux être plein de présomption et se vanter avec force « Cocorico !» que d'être blasé et de ne croire à rien. Cot, cot, cot.